Ça va, Guillaume? Bah, écoute, très bien, et toi? Ça va super. Tu t'es pas trop pris la drage dans ton camion d'agence au risque? Non. Excellent. Quelle bonne nouvelle. Eh bah, ben écoute, en plein boom, hein, pour la prochaine soirée Remember of Past, le 7 juin, comme tu le sais, c'est, on en parle depuis quelques semaines. Musicalement, beaucoup, beaucoup de changements. Donc je serai seul au platine maintenant, à 100%. D'accord. Prochaine soirée, donc gros, gros événement qui va plaire certainement à beaucoup d'anciens clubbers. Ça sera donc une 100% donc New Wave, électro, mais surtout Retro House, Acid et New Beat. Des morceaux qui vont de quelle année en fait? De 85 à... Ben de 80 forcément pour le New Wave, et pour tout ce qui est Retro House, New Beat, Acid, 85-90. Vraiment les grosses périodes. Début d'At The Villa, du 50, etc. Donc vraiment je pense que ça va cartonner. Donc en fait on va passer que des tubes toute la soirée, des tubes aussi bien New Wave que Retro, que House, que New Beat. Donc à chaque fois les gens, je pense que par rapport à la nostalgie, vont dire ah, génial, tellement longtemps j'ai entendu ce tube là ça va être la fête. Bah, ça commence déjà le soir, le mercredi soir. Ah ouais, hein. Non, mais attends, on a apparemment changé, débordé au standard. Ouais, c'est incroyable, vraiment les gens sont tellement nostalgiques des vieux tubes, aussi bien les 80 que les groupes New Beat qui ont marqué une génération, les trucs acides. Tu te souviens de la période un peu avec les Smiley, tout ça. D'ailleurs, le prochain flyer qui est fait d'ailleurs, on a mis un Smiley. En plus, il y a un défilé de mode plutôt performance d'une artiste bruxelloise qui s'appelle Valeria, qui va faire, ils sont 14 mannequins, des très très jolies filles qui vont faire des genres comme des tableaux, etc. Il y a donc un exposant qui s'appelle Isa Noël qui va être entièrement décoré le Tude Castle avec des anges, côté un petit peu baroque. Et il y a un super photographe, c'est le Pleasure, qui fait de la photo de charme, etc., qui sera là, qui est devenu aussi le photographe officiel de Remember of Past. Donc pendant toute la soirée, il va prendre des photos des gens et ça sera mis sur le site, etc. Voilà, c'est terrible. Plein d'animations, non seulement pour les yeux, mais aussi pour les oreilles. Et un cracheur de feu aussi. On a prévu un cracheur de feu pour le 7 juin qui sera dehors, qui va faire un peu un show. Donc vraiment gros, gros événement, grosse fête pour tous. Eh bah, écoute, pour toutes les générations qui ont connu cette période-là, même les nouveaux, quoi. Bah, Bien sûr, ceux qui n'ont pas forcément connu, ça peut. Qui découvrent par rapport à Galaxy, par rapport à plein de choses, par rapport à mes émissions, où les grands frères qui disaient, tu te souviens, on passait ça, où je sortais ici, je sortais au 50, je sortais à The Villa, à la Roca, dans vraiment les débuts des clubs, quoi. Donc ça va être ça. Vraiment grosse ambiance, donc clientèle un peu différente, beaucoup plus âgée, 30-40 ans, mais aussi des jeunes, aussi des gothiques, de tout le monde. Voilà, ça va plaire à tout le monde. Ah bah voilà. Grosse fête, le 7 juin. De toute façon, il y aura des entrées gratuites à faire gagner. À faire gagner, voilà. Je vous embrasse tous. Une adresse MySpace pour terminer. MySpace.com/minimal-electro-web avec un underscore, donc le 13 ou le 8 entre chaque mot, entre minimal et électro. Impeccable. Voilà, vous aurez ma belle photo. Et des endroits aussi des Tude Castle. Hein. Exactement. Ou sur le site TheRememberOfPast.com, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de. On en travaille beaucoup sur MySpace. D'accord. C'est vrai que c'est plus pratique. Merci. Mais vraiment, depuis 3 semaines, vous pouvez découvrir par rapport au set que je fais un peu l'ambiance qu'il y aura le 7 juin. Donc voilà, mélange de tout, de tubes. Très bon travail. Voilà, merci à toi, merci à vous tous. Ciao, merci et bonne écoute pour ce soir. Ciao. Allez, tout de suite, l'émission Remember of Past, c'est en direct avec Hervé U qui vous accompagne jusqu'à 22h30. Excellente soirée à toutes et tous. Galaxy out of time. la nuit. Je sais la science, se perdre au fond d'un lit d'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants. Je fais rire les yeux du pire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et s'envoler. La lune, le soleil, les ciels et les étoiles. Je suis mon cher serpent, si docte vous l'écoutez. Lorsque j'ai tout fait l'âme dans mes draps de beauté. Ou lorsque j'abandonne en morceaux à mon fils. Timide et libertine, fragile et repoussante. Que sur ce matelas qui se parle des noirs, les anges impuissants que d'un air épouvant. Quand des lutte à mes os, c'est ce que la morale. Et que l'envie s'apprend, je me tournais vers elle. Pour lui rendre un visite d'amour, je ne viens plus qu'une houte au flanc mûr, toute pleine de feu. Je fermais les deux yeux dans leur froid dégoûtant. Et quand je vais mourir, la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant, qui semblait avancer sur le vision de sang, tremblement. Profusément des débris de squelettes qui de même inventé le cri d'une girouette, d'une ancêtre, et de fêtes, balance la blanche.

Together like a chain, can't break free, here to play. Can't be dreaming, it's too real, how you feel, got to stay. When you hold me to your dream, does it seem that you stay? We'll be right back. It's the beginning of a new and excitingly different story. Fish! It's the beginning of a new and excitingly different story. Fish!

breathing, yes, Smith. I look around and I see no LV. Somebody. We'll be right back. Feel you close to me, hold me close to you.